chroniques BD. Jérémia de Herman. L'histoire se passe dans un univers post-apocalyptique et western à la fois. Conte de vie aux États-Unis. Dans le premier tome, avec la première planche, on comprend qu'il s'est passé une guerre civile et que la société, comme on la connaît, s'est détruite. On ne sait pas en quelle année s'est passée cette guerre. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé depuis cette guerre dévastatrice. Même si quelques indices sont dispersés ça et là dans les différents albums, on comprend très vite que toute cette histoire est du passé. Et que le passé, on n'en parle plus. La première planche, et puis c'est tout. Tout ou presque a été ravagé. Plus de routes en état, beaucoup d'immeubles démolis, aucune ville telle qu'on la connaît dans notre réalité n'a subsisté. Cette guerre, ou bien le temps, on ne sait pas, a eu raison du monde dans lequel on vit. Dans ce paysage dévasté, les micro-sociétés règnent et il est dur de trouver sa place lorsqu'on est sans attache. C'est le cas de Jérémia, jeune homme qui verra sa communauté détruite lors du premier album et rencontrera Kurdi Malois qui, lui, erre de ville en ville et prend Jérémia sous son aile. Les deux garçons se prennent rapidement d'amitié. Ils n'ont pas véritablement de but, sauf peut-être retrouver les membres de l'ancienne communauté de Jérémia pour les premiers tomes. L'argent domine toujours le monde et les deux jeunes hommes sont sans cesse en quête de petits boulots, de bons plans. Ils vont donc traverser le pays et nous faire découvrir, à travers leurs yeux, comment se sont réorganisés les hommes. Et bien sûr, chaque lieu apporte une nouvelle embrouille, de nouvelles intrigues révolutionnaires ou encore une nouvelle justice à défendre. Ce qui est bien avec cette série, c'est que chaque album est indépendant. Il y a peut-être 2-3 personnages que l'on croisera souvent. Tout d'abord Esra, la mule de Kurdi aussi forte que Jolly Jumper. La tante Martha qui n'aime pas trop ce petit voyou de Kurdi qui dévergonde son neveu Jérémia. Lena qui a 2-3 liens avec Jérémia. Et Stonebridge ou Stone B, l'ennemi infatigable de Kurdi. Une fois que vous connaissez ces personnages, vous pouvez prendre n'importe quel tome dans le désordre. L'histoire commencera et se terminera dans l'album qui est dans vos mains. J'aime beaucoup les décors et ambiance post-apocalyptique en général. Et la série Jérémia permet d'explorer beaucoup d'univers différents tout en reprenant les paysages du Far West. Déserts, canyons, mais aussi villes aux gratte-ciels dévastés, anciennes routes abandonnées. Le côté post-apocalyptique permet de reprendre une ambiance western tout en apportant un côté moderne. Du coup, pas de risque d'anachronisme et on peut même se permettre quelques notes parfois futuristes. J'aime bien sûr les deux héros et leur amitié, que tout oppose mais rien ne sépare. Jérémia est bien sûr le modèle du héros conscient qui tire sur l'ennemi en dernier recours, naïf à ses débuts, mais qui va bien vite grandir dans ce monde sans pitié, nuançant ainsi son caractère. Kurdi, avec ses allures de voyou à la verbe grinçante et sa langue pas dans la poche, n'hésite pourtant pas à suivre Jérémia quand il se met dans le pétrin pour aider autrui, bien qu'il arrive souvent à Kurdi d'être lui-même la goupille de la grenade à problème. Un autre aspect positif de l'indépendance des albums, c'est qu'on rencontre à chaque histoire de nouveaux personnages, et qui sont bien sûr assez développés pour ajouter de la complexité à l'intrigue. La colorisation à l'aquarelle d'Herman est en général assez esthétique, bien qu'arrivée en cours de la série. Les premiers tomes sont du coup assez classiques. Mais ça n'empêche pas que dans Jérémia, on se retrouve de temps en temps face à une demi-planche qui vaut le détour. Je rajouterai que cette BD n'est pas parfaite. Les premiers tomes se cherchent, les intrigues peuvent parfois se ressembler, et bien sûr, les représentations sont essentiellement masculines. Et peut-être encore d'autres détails négatifs, néanmoins j'apprécie vraiment cette BD, et je vous la conseille vivement. Il y a actuellement 35 tomes publiés. Tous les tomes sont à Sanabor, sauf le tome 7. Je vous conseille de ne pas forcément commencer par le tome 1. De mémoire, parce que je vous avoue, j'ai pas relu les 35 tomes avant de faire la chronique. De mémoire, j'avais aimé les tomes Julius et Roméa, 3 motos ou 4, le cousin Linford, et sûrement d'autres, mais c'est déjà un bon début pour vous pour entamer cette série. Herman a fait également d'autres BD, notamment des one-shots, je vous les recommande vivement, en particulier Le Passeur, Lune des Guerres ou encore On a tué Wild Bill. C'était Jérémia, J-E-R-E-M-I-A-H, une série de Herman, H-E-R-M-A-N-N. Les chroniques BD. Jolly Jumper ne répond plus. Amateur et amatrice de Lucky Luke, cette BD est faite pour vous. Enfin, peut-être qu'au contraire, il ne faut justement pas être un grand vénérateur du cow-boy au risque de monter sur ses grands chevaux. En parlant de cheval, justement, Jolly Jumper, il ne va pas très fort en ce moment. Mais ça, c'est ce que prétend Lucky Luke, et ça a l'air de drôlement le tracasser, le pauvre. On va demander à Lucky Luke d'aller voir ce que font les Dalton en prison. Paraît-il qu'il y en a un des quatre qui fait la grève de la faim, on vous laisse deviner, c'est pas le quatrième. Cette aventure n'a absolument rien d'une aventure de Lucky Luke. Bien sûr, on reprend le héros, aux mêmes habits, chemise jaune et foulard rouge. Attention, ce détail est très important. Avec des personnages croisés dans les albums de Maurice Egossini et surtout des références bien évidemment aux aventures précédentes du Lonesome Cowboy. Si vous n'avez pas lu tous les Lucky Luke, vous pourrez comprendre bien évidemment l'histoire. Cependant, vous rirez peut-être un peu moins. Parce que clairement, cette BD, c'est une belle parodie du Lucky Luke, tout en faisant, je trouve, un bel hommage, avec à la fin une pointe de pitié pour notre héros. En tout cas, c'est une parodie qui n'est vraiment pas tendre. Tout est à prendre bien sûr au second degré, ton absurde, ton décalé. Moi, c'est tout ce que j'aime et je vous conseille donc bien évidemment cette BD. Lucky Luke, l'homme qui a eu l'idée de tirer sur son ombre, c'était Jolly Jumper ne répond plus de Guillaume Bouzard, disponible à la médiathèque de Remiremont. Le réseau des médiathèques de la Porte des Vosges méridionales, c'est plusieurs sites. Remiremont, Saint-Étienne-les-Remiremont, Saint-Nabord, Vecoux, Éloy et Dommartin-les-Remiremont. Vous pouvez réserver à n'importe quelle médiathèque. La BD arrivera là où vous avez réservé. Et bien sûr, vous pouvez déposer les BD dans n'importe quel site. C'était la dernière chronique BD. J'espère vous avoir donné l'envie de lire. Bonne lecture à tous! Ne chanteront pas au tir.